Il est 9 heures. L'accès est interdit au vélo? Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux voitures? Oui, réponse C. Non, réponse D.